Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La forêt, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Et ça va bien. Ça va très bien. Tac, hein? Oui. Tu relèves d'une grippe, hein, toi? Oui, moi je relève d'une grippe. La H1N1? Ben, je sais pas. Je sais pas si c'était la H1N1, il pourrait pas... Le médecin n'aurait pas pu me le dire parce que pour avoir le diagnostic exact, ça c'est une chose que j'ignorais, il faut être hospitalisé. Donc comme j'étais dans un état si grave, là, je veux dire, c'était pas facile, mais c'était pas à ce niveau-là, j'ai pas été hospitalisée, donc aucune façon de savoir si c'était réellement la fameuse H1N1. Avoir été hospitalisée, Sophie, t'aurais eu l'honneur et le privilège de bouffer de la soupe qui goûte rien, des patates qui ont l'air chimiques. Hein? Mais je pense que de toute façon... J'ai avoir de la visite, des fleurs, hein? Paquet de monde. C'est bien mieux que Facebook. Ah non, je pense que j'aime mieux Facebook encore que ça. Pas mal plus convivial. Sophie, oui, chronique stéréotonine. Tu poursuis sur ta lancée des meilleurs albums de l'année 2009, mais auparavant, tu nous présentes les principales sorties CD de la semaine. Oui, donc ce qui a attiré mon attention dans les sorties de la semaine, la formation de Bravery avec l'album Steer the Blood. Sinon, il y a un album Best Of de Ramses de 2001 à 2009. Sinon, une anthologie live Tom Petty and the Heartbreaker. Et finalement, deux dernières propositions. L'autre, c'est une compilation qui s'appelle War Child 10, qui est un album qui est fait pour la fondation War Child, qui s'occupe de venir en aide aux enfants affectés par la guerre. Donc, c'est un album où les fonds iront à cette fondation. Et parmi les artistes, on a Radiohead, Coldplay, Beck, Oasis, Wolfmother, Muse et d'autres. Donc, une belle compilation. Et en terminant, Dumas qui sort son quatrième album Trace aujourd'hui. Et à ne pas confondre avec la série de mini-albums qui avait sorti. Donc, Dumas qui a sorti 4 albums en un an, soit Nord, Rouge, Demain et Au bout du monde. Donc là, Trace, c'est vraiment quatrième album dans ses albums réguliers. Et très, très si bon artiste que Dumas. Ben, faut aimer. Hein? Si on aime, on trouve quand même fameux. Oui, si on l'aime, on est content parce qu'il est très productif, Dumas. Comme je disais, 4 albums en un an. Puis là, il en sort encore un autre dans ses disques réguliers. Donc, plusieurs albums. Et avant d'y aller avec ma chronique, je vais peut-être y aller avec une invitation. Je sais que Simon vient de parler du débat à la Chasse-Galerie à 5 heures. Ben oui, elle, t'es mon aide-mémoire favori. Ah oui? Ben vas-y, Sophie, annonce-le. Ah oui? Ah, je savais pas que tu voulais l'annoncer. Moi, j'arrive comme ça, mais en fait, au 10-12, si tu veux ça qui est question. Oui, on fait un petit aparté, là. Oui, aparté. Vas-y. Donc, au 10-12, ce soir, 5 à 7, organisé. Chasse-galerie. Non, c'est autre chose. 10-12? Oui. C'est vraiment autre chose. Je suis dans les patates? C'est vraiment autre chose. J'ai rien dit. OK. Vas-y. Donc, l'invitation, c'est que Simon a parlé justement du 5 à 7 débat à la Chasse-galerie à propos de la FEUC. Ça, c'est une chose. Puis, sinon, au 10-12, en même temps, il y a un autre 5 à 7 qui est organisé par les étudiants de récréologie, qui est un 5 à 7 où les étudiants de ce programme vont présenter leurs talents artistiques, soit par le biais de littérature, de photos et de d'autres manifestations inventives. Et le thème, c'est cabaret ce soir, cabaret en folie. Et c'est gratuit, il y aura du vin et des hors-d'œuvre pour les gens présents. Dommage que j'aie la grippe. Hein? Dommage. Mais, tu vois-tu que je fais bien de me taire? J'étais vraiment pas au courant qu'il y avait un autre événement parallèle. Moi, je pensais que tu voulais, en bon français, plugger le 5 à 7 Furk pas Furk débat à la Chasse-galerie. Mais non, il y avait d'autres choses. Il y avait autre chose. Dit, ben non, c'est la Chasse-galerie, Sophie. Je pense que c'est pas juste un rhume que j'ai, c'est un rhume de cerveau. Un rhume de cerveau. Ouais, ça attaque mes neurones. OK, la partie est faite, elle est quand même assez longue. Sophie, tu nous présentes quoi comme pièce musicale ce matin? Donc, ce matin, on parle de l'album de Marie-Pierre Arthur dans la série des meilleurs albums de 2009 parce que j'essaie aussi d'y aller du côté franco. Il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de très bons albums qui ont sorti du côté québécois ou francophone. Donc ça, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, Marie-Pierre Arthur. On va aller entendre une pièce avant d'en parler davantage. On va entendre la pièce « Elle » de son album éponyme. On écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain, hein, ce mardi 1er décembre 2009. Hey Sophie. Oui. Excellente pièce. Oui. On discutait de choses et d'autres en même temps, on écoutait, mais vraiment bon. Oui, est-ce que tu connaissais Marie-Pierre Arthur un peu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'espère que ça t'a plu. En fait, elle a été sur les palmarès francophones de C'est fou à un certain moment donné avec différentes pièces. On a beaucoup entendu la pièce Pourquoi. Ce matin, je vous proposais deux autres pièces qu'on a peut-être un peu moins entendues. La pièce qu'on a entendue, donc, ça s'appelle Elle. Et c'est une pièce qui est en jouée, comme plusieurs pièces de l'album. Puis la pièce qu'on va entendre tantôt est un peu plus mollo, comme d'autres pièces aussi de l'album. Donc, je vous dirais que c'est soit dynamique ou soit plus tranquille. Et Marie-Pierre Arthur, qui est une bassiste également, puis elle avait joué avant de faire carrière solo avec, entre autres, Ariane Moffat, Steffi Schuch. Et c'est une grande amie de la formation Carquois. Donc, elle avait collaboré, sur les back vocals, okay. Entre autres, là, de l'album, mais aussi vocalises. Musicalement. Non. Moi, je dis souvent les voix d'arrière-plan, mais je suis sûre que c'est pas ça en français, mais je trouve ça très beau. Les voix archi. Et back vocals, quand on se comprend. On se comprend. Et donc, c'est une auteure, compositrice, interprète, même si souvent les paroles sont écrites en collaboration avec d'autres artistes, soit entre autres Gaëlle, qui est une artiste aussi qui fonctionne là, de son côté. Aussi, il y a la musique qui est composée parfois par d'autres collaborations. Et la pièce qu'on va entendre en terminant, « Le vent m'appelle par mon prénom », a été écrite par Michel Rivard et Louis-Jean Cormier. Donc, Louis-Jean Cormier qui est le chanteur de Carquois et paroles et musique. Donc, qui ont été composées par ces deux grands noms, on peut dire, de notre musique québécoise, parce que Louis-Jean Cormier, déjà là, il est bien connu et Carquois, ça fonctionne très bien. Et Michel Rivard, doit-on le rappeler, est le chanteur de Beau Dommage. Donc, rien de moins que le vent m'appelle par mon prénom. Eh oui. Marc, va te coucher, t'es malade. C'est ça qu'il dit okay. Un matin. Hey, Sophie Laforêt, il faut annoncer aux auditeurs qu'habituellement, tu es présente pour... ta chronique stéréotonine les mardis matins à 8h30 et les mercredis matins à 8h15, 8h20. Mais fin de session oblige et full d'obligations. Tu vas, à partir de cette semaine, tu vas te concentrer sur ton sprint final, bien terminer ta session. Donc, chronique stéréotonine à compter d'aujourd'hui, une fois par semaine, les mardis à compter de 8h30. Oui, puis je vais poursuivre avec la série des meilleurs albums de l'année, donc qui reste, comme tu dis, peut-être 2-3 chroniques, donc ça va se terminer bientôt. On termine les quotidiennes, on termine le jeudi 17 décembre. Donc il en reste deux chroniques stéréotonines. Deux chroniques, ça a passé vite. OK, on va aller entendre, rappelle-moi le titre, Sophie. Le vent m'appelle par mon prénom de Marie-Pierre Arthur de son album éponyme. Ben, c'est à ne pas manquer. Hein? Bon artiste, on écoute ça immédiatement à la pilule du lendemain. Présentement, 8h49, on se retrouvera après la pièce qui suit. Bon. Marc, là, c'est pas un rhume ordinaire qu'il y a, Marc. C'est un rhume de cerveau. Mais enfin, je suis tout partout depuis ce matin. Hein? J'ai pas parti la bonne pièce. Mais rectifions le tir. L'erreur est humaine. Et au moins, j'ai la bonne raison d'être malade. OK, on écoute ça immédiatement. Le vent m'appelle par mon prénom. Voir si les étoiles brillent. Entre deux essoufflements fétides et trois bouchons sous l'un, dur à croire que la vie scintille. Je suis un fantôme en abîme au beau milieu de millions d'années. Ma vie dans un cinéma, dans un film. sans couleur, sans pouvoir arrêter l'heure. Va savoir si le cœur tient bon. Je suis un fantôme en abus, au beau milieu de millions d'anonymes, au beau milieu de tous ces fous qui dansent. Je m'imagine le chant d'une mère immense. Mais quand je reviens d'où je viens, effectivement, le vent m'appelle. Sacrifice, hein? Oh, pas bien. Oh, vraiment pas bien. OK, le vent m'appelle. Tabarouette. Le vent m'appelle. Une chance que c'est pas arrivé dans le micro. Personne ne voudrait animer. J'ai pris soin de me tasser. OK, ben, je vais m'en aller chez nous. Non, non, mais. Ben, OK. Ça s'intitule Oui, le vent m'appelle par mon prénom. C'est de Marie-Pierre Arthur. Album éponyme paru en février 2009. Donc, c'était la sélection de Sophie Laforêt dans le cadre de sa chronique Stéréotonine. Sophie, qu'on aura le plaisir de retrouver mardi prochain à compter de 8h30 pour son avant-dernière chronique.